Et ma belle, bien qu'elle a tenu où c'est la bête, miso, tu es née dans mon maman. Betimi gasi o mama Enenambio tenenambi mama Est-ce que mon qui marié mi etinga Na kungomo letimi abena lege Magalina mama oh bolingo Mi kumomba na yati desespoir Mi kumomba Que cambia pema